Routine. La lettre de Zézé accompagnant l'augmentation de salaire est un modèle du genre. Témoignant avec force qualificative de la satisfaction de son employeur, elle regonfle Faustine à bloc. Se sentir bien au travail lui fait oublier les aléas de son divorce, sa solitude, ses craintes au sujet de ses capacités intellectuelles, sa vie au boulevard avec une maman autoritaire. Laquelle maman d'ailleurs ne pardonne toujours pas à son fils de l'avoir abandonné pour une jeune brésilienne déjà mère de 2 enfants. En ce moment, Stéphane vit en centre-ville et travaille dans un important magasin d'instruments de musique. Il se débrouille plutôt bien, mais évite les contacts avec sa mère de crainte d'ingérence dans sa vie privée. Son épouse, de son côté, n'est intéressée que par les profits matériels qu'elle pourrait tirer de la situation. Si au début de leur relation elle était parfaitement adoptée par la famille, la situation a fini par dégénérer au fil du temps, au point que Stéphane a préféré couper les ponts. Faustine ne comprendra jamais pourquoi. La fille tente de consoler la mère du mieux qu'elle le peut, et au passage reçoit les balles perdues. Quoi qu'elle fasse, rien ne comblera le vide laissé par son frère dans le cœur maternel. Il y a eu des périodes plus mouvementées que ce début d'année 1991 dans la vie de Faustine. Sur le plan politique, par contre, les choses bougent. Il n'y a pas eu de trêve en Irak pendant ces vacances de Noël. Voir tous ces puits de pétrole en feu à la télévision était impressionnant. Le monde entier a de l'urticaire. Enfin, seulement les 1% concernés, bien sûr. Par ailleurs, on murmure un peu partout que Saddam aurait accumulé des armes de destruction massive ainsi que des armes chimiques. C'est la toute première fois que Faustine en entend parler. Néanmoins, ce 27 janvier 1991, il semblerait qu'on sorte enfin du néolithique. Le dernier canton d'irréductible, celui d'Appenzell-Rhodes-Intérieur, vient d'accorder le droit de vote aux femmes. Faustine applaudit. Mais la naïve est toutefois certaine que les femmes ont toujours tiré les ficelles et que leurs compagnons n'ont jamais pris de décision sans les consulter. Évidemment, les féministes pures et dures nieront l'évidence. Ainsi vont les choses. Mais pas longtemps, parce qu'on va bientôt fêter les 700 ans de la Confédération, et cela aussi fait du bruit. C'est en l'an 1291 que 3 paysans scellent sur la prairie du Grutli une indéfectible alliance contre toute forme d'agression. À partir de là, au fur et à mesure que les cantons se sont constitués et ont rejoint les 3 premiers, ils ont été bien occupés à s'agresser entre eux, rigole Faustine. Il n'empêche, la rumeur court et dégoise. Les artistes de tous bords boycotteraient la fête suite au scandale des fiches. Ils n'ont pas supporté de faire partie des individus espionnés. En février, Faustine déprime. Ce n'est pas si agréable que cela, finalement, une vie sans homme. Avec maman, elles mettent au point une petite annonce qu'elles feront passer dans l'hebdo à la rubrique « Cherche âme sœur ». C'est un remake de ce qui s'est passé sur la Côte d'Azur 10 ans plus tôt, sauf que cette fois, Faustine est d'accord sur le principe. Un peu moins sur la manière, car maman la propose comme un produit exotique, nouveau à Lausanne. Sur 10 réponses, 7 personnes sont uniquement attirées par le passeport suisse. Faustine rencontrera les 3 autres messieurs. Le premier chez lui, où il l'invitera généreusement à partager 3 pommes de terre et 8 haricots verts. Le second lui demande son aide pour des achats qu'il doit faire et passe 4 heures dans le magasin sans parvenir à se décider. Quant au troisième, il lui pose carrément un lapin. Faustine abandonne. C'est vrai ce que disait Maxime. Elle restera laissée pour compte. Autant l'accepter une fois pour toutes. Pendant ce temps, la tempête du désert s'est calmée. Le 28 février, le Koweït est libéré du joug de l'Irak. Sitôt qu'auront été éteints les incendies de puits de pétrole, gentiment laissés derrière eux par les Irakiens au cours de leur opération Terre brûlée, les autres prédateurs pourront reprendre leur combine. Business as usual. En Suisse, on dénombre les nouvelles fortunes amassées par les vautours opportunistes. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ce n'est pas demain la veille qu'on manquera de pétrole. Une larme quand même pour tous les pauvres types qui ont perdu la vie dans l'aventure. Pas plus en 14-18 qu'en 39-45, ils n'ont eu le choix. La soumission du plus grand nombre au plus petit, Étienne de la Boétie sur la servitude volontaire, restera encore et toujours un mystère. En fait, non, pas si mystère que ça. Les bourgeois qui ont pris la relève des monarchistes en 1789 savaient parfaitement ce qu'ils faisaient en instaurant la République. Si on se souvient bien, dans les tout débuts de la démocratie, seuls ceux qui pouvaient payer l'impôt avaient le droit de vote. Pas étonnant donc qu'aujourd'hui, ceux qui continuent à payer, banques, assurances, multinationales, contrôlent les marionnettes politiques. Au final, le peuple donne tout pouvoir à un roi, élu tous les 5 ans, lequel danse sur le pas de 2 des vrais décideurs. Dans le fond, rien n'a changé. Nous sommes toujours soumis à la loi du plus fort. Et le plus fort, c'est encore et toujours le capital. Le 2 mars, Marie, l'amie que Faustine avait rencontrée lors de sa cure à Orthez, téléphone en larmes. Serge Gainsbourg est mort. Elle ne tarit pas d'éloges sur son idole. Faustine ne sait pas trop quoi dire. Elle qui a vécu ses 13 dernières années au rythme des années 30, période jazzistique chère à Maxime, ne connaissait Serge Gainsbourg qu'à travers quelques scandales. De plus, vu qu'il était rarement sobre, il aurait pu avoir tout le talent du monde, cela suffisait à lui gâcher le plaisir de l'écoute. Elle n'a jamais compris non plus comment cette jeune Anglaise, si jolie, si talentueuse, avait pu tomber amoureuse de cet homme à la tête de brassis cassé. À sa place, elle-même aurait fui depuis longtemps. Une nouvelle chasse l'autre. Le lendemain, la Suisse accorde le droit de vote aux jeunes de 18 ans. « C'est pas un peu jeune ?» demande-t-elle à Jacques au téléphone à l'occasion d'un appel impromptu. Il n'a pas le temps d'épiloguer sur le sujet. Il voulait juste l'informer qu'il sera à Zurich dans quelques jours au salon de l'électronique. Faustine obtient une journée de congé pour s'y rendre. En 2 heures de train, elle y est. À peine arrivée, le regard d'aigle de Martin Green, ancien entraîneur dans les paras, devenu instructeur chez Dvissy, la société représentée par Jacques et pour laquelle Faustine a travaillé, la repère, la hèle, l'étouffe de ses bras puissants et l'acier sur ses genoux. Entre nous, soit dit, il ne se serait jamais autorisé cette familiarité si sa femme avait été présente. Autour de lui, Faustine reconnaît quelques têtes, apparemment ravies de la revoir. Et, sitôt que Martin la lâche, elle passe de bras en bras. Que ça fait du bien, cette chaleur humaine aux antipodes de l'indifférence lausannoise. Puis Jacques l'enlève pour le déjeuner. Il lui donne des nouvelles toutes fraîches de la Prana. Ils y ont mis le temps, mais ils sont parvenus, finalement, à réparer les dégâts qu'elle avait laissés derrière elle. Faustine touche du doigt la notion d'amour inconditionnel quand elle comprend que Jacques, bien qu'il connaisse parfaitement ses limites et ses faiblesses, ne la juge pas. Il l'aime en dépit de tout d'un amour sincère. Personne encore ne l'avait considéré ainsi. Avant de le rencontrer, elle a toujours eu l'impression de devoir mériter l'amour qu'elle recevait. Faustine est bouleversée, profondément émue par cette prise de conscience. Elle rentre à Lausanne, euphorique, gonflée à bloc, bien décidée à rester dans le droit chemin, ne serait-ce que pour prouver à son ami qu'il a eu raison de placer sa confiance en elle. Le 3 avril, c'est Graham Greene qui décède, et c'est papa qui porte le deuil de son écrivain préféré. Le lendemain, c'est Max Frisch qui passe l'arme à gauche, et maman qui pleure. Faustine ne connaît bien ni l'un ni l'autre. Pourtant, Max Frisch compte parmi les plus célèbres écrivains suisses. Il excelle, dit-on, dans le domaine autobiographique. Ayant fait ses classes à Bâle, maman a beaucoup lu les écrivains suisses et allemands. Goethe, Friedrich Dürrenmatt, Stefan Zweig et Max Frisch, entre autres. Tout ce pont de littérature manque à la culture de Faustine. Dès qu'elle le peut, elle file chez Payot et s'offre 24 heures dans la vie d'une femme de Stefan Zweig et le retour de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt, dont elle appréciera l'humour corrosif. Hélas, elle ne trouve rien de Max Frisch cette fois. Mi-avril, maman est en larmes au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? C'est papa, ils l'ont emmené au CHUV ce matin. Oh non, pourquoi? Le cœur. Oh Fifi, viens vite. Les affaires sont calmes. Zézé est en rendez-vous à Berne, il ne rentre pas avant 2 jours. Faustine fait transférer les appels chez elle et fonce au boulevard. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te souviens qu'il souffrait d'angine de poitrine? Il a eu une crise particulièrement sévère cette nuit et son toubib a préféré l'hospitaliser. Maman est dévastée. Elle pleure tant et plus, puis se reprend devant Faustine. La jeune femme appelle le centre hospitalier universitaire vaudois. On raconte qu'André sera opéré le lendemain. Il est en train de passer les examens préliminaires. Il faut s'attendre à un pontage. Les visites seront autorisées dès après-demain. Les heures qui suivent sont empreintes d'émotions diverses. Faustine a tellement entendu sa mère critiquer son beau-père qu'il lui est difficile de comprendre que sa maman soit à ce point démolie. Ce n'est pas cohérent du tout. Enfin si, elle croit piger que tout n'était que faux semblant pour ménager la sacro-sainte pudeur maternelle et que dans le fond, l'amour qui unit ces deux-là est infiniment plus puissant qu'ils veulent bien le laisser entendre. Que maman veut bien le laisser entendre, parce qu'André, lui, n'a jamais caché son profond attachement, ni son désir. Faustine rit beaucoup, d'ailleurs, chaque fois que sa mère lui avoue « mi figue, mi raisin ». « Il m'a encore fait des propositions malhonnêtes. Non, mais tu te rends compte, à son âge, il y en a marre de ces enfantillages. Mais sois contente qu'il te fasse encore la cour à 56 ans. Beaucoup de femmes n'ont pas ta chance, tu sais. » Je sais, mais lui en a 69, pour plus de 100 kilos. Je ne vois pas faire de la gymnastique. Fut-elle érotique dans notre état de délabrement physique? Rétorque maman en éclatant de rire. Il n'y a pas d'âge pour faire l'amour, tu sais. Et à ses yeux, tu seras toujours aussi belle. Afin de se distraire, maman décide de déjeuner à la crêperie d'Ouchy, un établissement admirablement situé au bord du lac. Elle commande des crêpes et accepte sans réfléchir les bolets de cidre que la serveuse propose. Les crêpes sont un régal. Le cidre est délicieux. Ce que Faustine ne réalise pas, c'est qu'il contient un certain pourcentage d'alcool. Une seule bolée suffit à la saouler. Entre ce détail et le choc émotionnel qu'elle vient d'encaisser, il n'en faut pas plus pour déclencher une rechute. Quel gâchis ! Cela faisait plus de 14 mois qu'elle avait arrêté de boire.